Section 74 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 17. Les Roumains, leur lutte contre les Turcs. 1290-1513. Introduction et première partie. Fondation des principautés roumaines. Par Alexandru Drimetrier Zenopol. Au moment même où la plus terrible de toutes les invasions, celle des Ottomans, commençait à s'épancher sur l'Europe, deux nouveaux États prirent naissance au nord du Danube, précisément sur une des deux routes qu'elle devait suivre pour inonder l'Europe septentrionale. Ces deux États furent constitués par un peuple qui jusqu'alors n'avait pris aucune part active à la vie des nations, celui des Roumains. À partir de l'abandon de la Dacie par Aurélien, la population daco-romaine s'était retirée dans les montagnes des Carpates, où elle eut à subir l'invasion des Slaves, la seule qui va la chercher jusque dans ses refuges les plus inaccessibles. Après avoir absorbé en entier l'élément slave, les Roumains descendirent de leurs montagnes, surtout après que la domination bulgare eut remplacé en Transylvanie celle des Avars. 678. Elles constituèrent sous la suzeraineté du royaume bulgare, qui prit bientôt une grande extension des deux côtés du Danube, 678-1018, des rudiments d'État. Ce commencement de vie politique chez les Roumains dut souffrir un nouvel arrêt par suite de l'invasion hongroise, 898, qui s'appesantit toujours plus lourdement sur la Transylvanie, à partir de la conquête définitive de ce pays par Saint-Étienne, 997-1038. Le développement d'un État roumain fut arrêté par celui de l'État magyar. Les Hongrois, devenus catholiques, commencèrent à persécuter les Roumains, restés orthodoxes. La persécution eut pour effet de faire sortir de la Transylvanie deux puissants groupes de Roumains qui descendirent de l'autre côté des Carpates vers les plaines du Danube et de la mer Noire pour y fonder les deux principautés de Valachie et de Moldavie. Première partie, fondation des principautés roumaines. Les premières principautés roumaines du Danube. La région dans laquelle les Roumains venaient chercher un abri n'était point vide de population. Deux nationalités y vivaient côte à côte. L'une, d'origine slave, occupait surtout la plaine. L'autre, roumaine, s'étendait sur les versants des Carpates. L'une et l'autre étaient constituées en de petits états, sous des chefs désignés par le terme slave des voyévodes, à l'exemple de ceux qu'avaient rencontrés les Hongrois de l'autre côté des Cines carpathiennes. Pour celles d'origine slave, on trouve la principauté de Berlad, dans le sud de la Moldavie actuelle, celle de Yassi, dans la région moyenne. Pour celle d'origine roumaine, on rencontre dans un document du roi hongrois Béla IV de 1247 deux petits états, l'un dans l'Olténie, ou Petite Valachie, sous le ban Bassaraba, l'autre dans la Grande, sous un voyevode sénéslave. Une bulle papale de l'année 1232 en mentionne un troisième situé dans le district actuel de Putna, la Vrancea, dont la population aurait eu des évêques de rite grec. D'autres petits états se rencontrent le long des montagnes de la Moldavie, dans les districts actuels de Bacău, de Neamț et de Câmpu Lungu, dans la Bucovine actuelle, et même plus haut encore, sur les confins de la Galicie, sous le nom slave de Knezes Bolochoveni. C'est au sein de cette population slave et roumaine que vint s'implanter la colonisation transylvaine. Elle unifia ces états séparés en étendant toujours davantage l'élément latin de la montagne vers la plaine, arriva à dénationaliser complètement les Slaves et à imprimer le caractère roumain à la population entière des principautés nouvellement créées. Fondation de la Valachie. De ces deux principautés, la Valachie fut fondée la première. Radu Negru, nommé dans les documents aussi Tugomir Basaraba, duc de Fagarache en Transylvanie, et vassal du roi hongrois, qui à cette époque, 1290, était Vladislav le Couman, quitte son duché avec un grand nombre de nobles, suivis de leurs hommes d'armes, et passe les montagnes pour descendre en Valachie. Il s'arrête quelque temps à Kampulungu, autre que celui de la Bucovine, y construit une église et, pour s'attirer les sympathies des habitants de cette ville, leur octroie certains privilèges par un diplôme de l'année 1292. Radu Negru, s'étant violemment détaché de la couronne hongroise, cherche un appui chez les princes slaves du sud du Danube en donnant sa fille en mariage à Stefan Miliutin, roi de Serbie. Les troubles qui éclatèrent en Hongrie lors de l'assassinat de Vladislav le Kouman, qui arriva précisément en 1290 et dont Radu Negru sut profiter habilement, lui facilita la consolidation de son état. Après l'extinction de la dynastie arpadienne et l'élection de Charles Robert de Naples au trône de Hongrie en 1301, ce roi entreprend de soumettre l'état roumain créé par Radu Negru en Valachie. L'expédition qu'il dirige contre un successeur de Radu Negru, Alexandre Bassaraba, est repoussée victorieusement, 1330. Le successeur de Charles Robert, Louis le Grand, renouvelle tout aussi vainement la tentative. L'État valaque achève de s'émanciper de cette domination et arrive sous Radu II, 1377, à une complète indépendance. La lutte avait toujours été soutenue avec le concours des rois slaves, bulgares et serbes, du sud du Danube. Avec ceci, les successeurs de Radu Negru, poursuivant la politique inaugurée par lui, continuaient de s'allier par des mariages. Cette pratique devait durer jusqu'à l'avènement de Mircea Ier, surnommé le Grand, 1386, sous lequel commencent des luttes contre les Turcs. Pendant ce temps, l'État valaque s'étendait toujours plus loin vers la mer Noire, occupant tout le territoire, compris entre les Bouches du Danube, la Drubuja actuelle, y compris la ville de Silistrie, ainsi qu'une partie de la Bessarabie, qui tire son nom des princes valaques de la dynastie des Bassaraba auxquels il fut soumise. Fondation de la Moldavie. L'État de Moldavie fut fondé vers la même époque que la Valachie par un voyevode, Dragoș, descendu de la province hongroise du Maramureș, située dans la partie la plus montagneuse de la Transylvanie du Nord. Ce voyevode ne se détacha point, comme Radu Negru, de la couronne hongroise, et continua au contraire à lui garder fidélité. Il en fut de même de son fils, Sas, et de son petit-fils, Balk. Du temps de celui-ci, un autre voyevode du Maramureș, Bogdan, s'insurge, entraîne un grand nombre de seigneurs roumains à imiter l'exemple de la Valachie, et, passant les montagnes, vient fonder en Moldavie un état indépendant. Il attaque Balk, qui est battu, malgré le secours de son suzerain, le roi de Hongrie, Louis le Grand. La consolidation de l'État moldave fut bien plus difficile à réaliser que celle de l'État valaque. Le roi Louis était très puissant. Il ne voulait à aucun prix permettre aux Moldaves de s'émanciper de son autorité. Presque chaque année, il entreprenait des expéditions pour les réduire. Quoique Bogdan fût très énergiquement soutenu par toute la population de la Moldavie, il n'en dut pas moins chercher un appui chez les rois de Pologne. Ils ne la lui accordèrent qu'à la condition qu'il leur prêterait hommage et se reconnaîtrait vassal de leur couronne. Donc, pendant que la Valachie reconquérait son indépendance, la Moldavie ne secoua le joug des Hongrois que pour subir celui des Polonais. En outre, tandis qu'en Valachie la succession des premiers princes constitue une puissante dynastie qui se défend avec succès contre les Hongrois, en Moldavie, la dynastie de Bogdan s'éteint avec son fils Letsu en 1374. Les Moldaves sont forcés de chercher un prince d'abord chez les Lituaniens dans la personne d'un certain Iuga Koriatovitch, puis, après la mort violente de celui-ci en 1375, chez leurs frères de Valachie, d'où ils tirent leur dynastie des Mouchates, inaugurée par le règne de Pierre Mouchat, 1375-1391. Quoique cette dynastie ait donné à la Moldavie ses princes les plus célèbres, ses commencements furent marqués par des troubles qui éclatèrent après Pierre et se continuèrent jusqu'à Alexandre le Bon, 1401-1433, l'organisateur de la principauté moldave. Elles recommencèrent avec plus de fureur encore entre ses descendants, ensanglantèrent le trône et firent tomber la Moldavie sous une triple vassalité, celle des Polonais, celle des Hongrois, et en 1456, celle des Turcs, auxquels Pierre Aron paye pour la première fois tribut. Le règne long et glorieux d'Étienne le Grand, 1457-1504, la relève de cette décadence. Fin de la section 74.